106.9. Information et opinion. 106.9. Mauricie. Attendez-vous à plus. Le 106.9 Mauricie vous présente « Que la Mauricie se lève » avec Marc-André Pelletier. Marc-André Pelletier. Marc-André Pelletier. Marc-André Pelletier. Votre référence en information. Que la Mauricie se lève. 6h, bien pile, bienvenue au 106.9 Mauricie le vendredi 4 janvier. Et en ce qui me concerne, j'ai le goût de citer Jerry Boulet pour une dernière fois. Oh, je pensais que tu allais dire toujours vivant. Remarque c'est que ça pourrait être ça après avoir traversé le temps des fêtes. C'est Blue, se passe plus dans la porte après la dingue. C'est lui, ça? C'est lui? Oh, non, il passe encore dans la porte. Ça a l'air que Brain Leboeuf est à la porte pour venir te chanter le bout de la toune. Il passe encore dans la porte, mais oui. C'est quand il arrive à la taille le problème après les fêtes. Ouais, c'est ça. On vous souhaite donc un excellent début de journée. D'ailleurs, salut à Claude Boucher aux nouvelles. Bon matin. Et Mathieu Plante à la réalisation. Hello. Hello. La dernière, ce qui me concerne, pour vrai, parce que Catherine, et à chaque fois que je remplace Catherine, je dis toujours, logiquement, sera de retour le. Parce qu'on sait jamais. Je dis, Catherine sera de retour, logiquement, le 7 c'est janvier. C'est prévu lundi. Tu ouais, souhaites pas de mal, mais... Tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Il y a une fois où j'ai dit, ah, Catherine revient demain. Puis ça s'est étiré sur 7 semaines. Fait que maintenant, je prends pas de chance, puis je dis, normalement, ça devrait être ça. Fait que, tu sais, je casse le prophète de malheur en moi, ce qui fait que tout va bien par la suite. Écoute, un virus est si vite arrivé. C'est ça. Et voilà. Mais c'est un vrai prophète, on l'appelle Mao Marc-André. Oh là là! Tabarnouche. J'étais pas prêt pour celle-là. Ça commence fort! J'étais pas prêt pour celle-là, je te le confirme. C'est dans les genoux, ça. 6h02. Je pensais pas qu'il y en avait des pires que moi. Ça me réconforte en quelque part. Imagine, il y en a qui commencent à 5h28 au lieu de 6h le matin, tu sais. Moi, Marc-André, ça doit être pire que ça. Marc-André, ça fait un peu plus d'une journée que je travaille avec lui, là. Puis il est pire que toi. Je te l'annonce, là. Puis moi aussi, je pensais pas que c'était possible, mais ça l'est. T'as-tu une idée à quel point t'as passé un beau temps des fêtes sans sa compagnie? Oui, oui, oui. J'étais là pendant genre un mois, moi, là, à date, là. Ouais. Oui, c'est ça. Bon, en espérant que vous vous remettrez de vos commotions respectives à la suite de ce début d'émission, c'est de la neige qui va prévaloir pour une bonne partie de l'avant-midi dans les détails météo. C'est quand même relativement simple parce que c'est un 2 à 4 cm qui est prévu, mais ça me donne l'impression que c'est pas mal déjà tombé ou pas loin de l'être. Oui, mais moi, chez moi, ce matin, à 4h20 à peu près ce matin, là, j'avais l'impression que c'était un peu plus du grésil ou un peu du verglas aussi qui tombait. Ça fait en sorte que sur les routes, c'est pas facile. Ah, quand je suis sorti de chez moi à peu près une dizaine de minutes plus tard que toi, c'était de la pluie carrément. Oui, mais toi, t'es plus au sud que moi. Oui, je suis plus près du fleuve. T'as raison là-dessus. Mais tu fais des farces, hein? Mais il y a une couple de rue quand même qui nous sépare. Oui. Et je m'en rends compte dans l'hiver que me semble que depuis que je suis arrivé à Pointe-du-Lac, je pelte sur un moyen temps comparativement à quand j'habitais dans le secteur des rivières. Puis il y a plus de vent, entre autres. C'est ce qu'on me dit là, en discutant avec des locals, comme on dit. Ah ouais, mais des gens de la place. C'est probablement des phénomènes, comme tu le dis, locaux, parce qu'on est peut-être dans un corridor, puis tu sais, t'es collé sur le fleuve. Oh, oui, c'est ça. Moi, c'est un fait que je suis dans le même fuseau horaire que toi, là, dans mon secteur de Pointe-du-Lac, mais un peu plus au nord. Mais je pense que oui, effectivement. Écoute, moi, quand ça me revient en mémoire, quand je demeurais dans le Bas-Saint-Laurent, j'étais à la Pocatière. Puis à côté de la Pocatière, tu as une petite municipalité qui s'appelle Rivière-Ouelle. Oui. Mais Rivière-Ouelle, c'est comme dans un coude du fleuve Saint-Laurent. Fait que quand il fait pas beau à la Pocatière, c'est terrible à Rivière-Ouelle. C'est un peu le Donnacona. À Montmagny aussi, il faisait super beau partout sur l'autoroute 20 l'hiver, mais tu passais à Montmagny, il y avait un corridor devant où là, il y avait plus de neige qu'ailleurs. C'est peut-être le cas chez toi à Pointe-du-Lac. Ça se peut, il y a des microclimats. Moi, c'est une affaire que je crois. J'habitais à Québec pendant 4 ans. Puis, écoute, à chaque fois que je passais par Donnacona, je faisais la liaison Shawinigan-Québec. Là. Je passais par Donnacona, c'était clair qu'il y avait un microclimat là. J'habitais à Sainte-Foy. Il y a un coude du fleuve Saint-Laurent aussi à Donnacona. En plein ça. Mais tu sais que dans toutes les municipalités, il y a ce qu'on appelle la taxe des nouveaux arrivants. Oui. Mais dans le secteur Pointe-du-Lac, il y a aussi le phénomène météo des nouveaux arrivants. Alors, tu es un nouvel arrivant depuis pas longtemps, donc c'est ça. C'est chez toi. Je me demandais où tu t'en allais. Ben oui, t'es un nouvel arrivant. La malchance du débutant. Ouais, ouais, ben écoute, avec la taxe de bienvenue qui est bienvenue, nous te collecterons 2000$. Bien sûr. Voilà. Et moi, aventure de taxi, tu sais, j'ai toujours mes aventures de taxi. Ah ouais, hier, c'était de la musique de Dance Floor dans mon taxi. Ouais. Là, aujourd'hui, on a croisé un colis d'Amazon dans rue, sur le boulevard des Forges. Fait que je sais pas si c'est parce qu'il y a du retard d'un colis de Post Canada, puis ils font juste lancer ça dans les fenêtres. Oh, je sais pas, mais en moi, je peux te dire que sur la rue Royale, hier, on pouvait croiser du drôle de monde en début d'après-midi. Et je dirais pas du monde drôle, du drôle de monde. Ah. C'est ça. Il y avait une madame qui criait sa vie à pas mal tout le monde qui passait sur le coin des volontaires. Ah, on la connaît, ça, tout le monde connaît dans le coin, là. Ah, mais elle, me semble que je me souviens pas de l'avoir déjà vue, mais c'était intense, là, ouais. Côté criage. Tant qu'à crier, je me suis même crié pour vrai. Ouais, c'est vulgaire. Ah ouais, ok. Ouais, c'était vulgaire. Puis moi, quand je suis passé pas loin d'elle avec un véhicule de la station, j'ai eu droit à un beau finger. Hein? Ah oui. Mais c'était pour dire qu'on est numéro un dans les sondages, c'est sûrement. Ça. On était numéro un dans le milieu de la main. Ben écoute, il faut être numéro un quelque part. On a un extrait d'elle. Bii! Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, mais non, bref, tout ça pour dire qu'il y a sûrement des secteurs dans la Mauricie-Centre du Québec qui sont un peu ça, des microclimats. Parce que la parenthèse, c'était ça. Et quand j'habitais à Québec, il y avait Sainte-Foy aussi, où ça, c'était quand même assez particulier. T'étais à Sainte-Foy, là, il neigeait, là, c'était à plein ciel. Tu sortais de Sainte-Foy, t'embarquais sur la 40, puis un brin. Pas ce qui se passait là. Ah. Ça doit être la hauteur, hein, c'est situé en hauteur. Ça doit être ça. Mais bref, ceci c'est étant dit... sont plus hauts que bien du monde, pas juste physiquement. Ah, sont hautains, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Tu mets un public à dos, là. T'es traite de snob. Ils vont nous appeler. Ben, premièrement, à Sainte-Foy, je suis pas sûr qu'ils nous écoutent parce qu'ils ne se rabaisseraient pas à écouter de la radio. C'est bien. Tabarnouche, c'est-tu quelque chose contre les gens de Québec, toi? Non. Ben, voyons okay. Juste Sainte-Foy. On passe à un autre sujet. Voilà. Je te parlerai pas des remparts parce que j'ai peur de ce que ça va donner. Pourquoi? Tu parles du monde de Sainte-Foy de même. Eh oui. Hop, on a des auditeurs sur la ligne. Je dirais juste que c'est pas mon endroit préféré où aller pour faire du hockey junior. Bon, voilà. Pourtant, il y a un beau détecteur de fumée neuf. Oui. Bien sûr. C'est pas le lieu qui est plate. Des fois, c'est juste... Bon, trêve de plaisanterie. Pour compléter cette semaine, on file un peu plus léger. Je pense que vous l'avez vu. 819-376-1069, vous êtes les bienvenus en tout temps pour discuter avec nous. Et donc, blague à part, Catherine va être de retour lundi. Alors, j'en profite tout de suite pour vous remercier, parce que souvent, je l'oublie à la fin. Oui, quand ça passe vite, hein, ouais. Où il n'y a plus de temps. Ouais, ouais. C'est ça. Quand on reste encore moins 5, là. Vas-y, commence tes remerciements maintenant. Puis quand la musique partira, t'arrêteras. Mais heureusement, ce n'est pas des remerciements de Radio-Canada, donc ça devrait se faire relativement rapidement. C'est pas des remerciements de gala d'Adisque. Ah, non, c'est des farces. J'aime ça les taquiner là-dessus. À Radcan, ils font des remerciements interminables. Non, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans l'équipe. Ah oui, ouais. À remercier, ouais. Ben mais, oui, bien mais sûr. Mais tu sais, tant mieux, parce qu'on aimerait ça avoir ce luxe-là pour être bien frais à certains moments. Premièrement, ça nous rallongerait, parce qu'il faudrait se vous voyer. Dire vous, c'est un peu plus long. Pas au niveau local, là, étrangement. Ah non? Non? Non, mais en tout cas, bref. Ouais. Vous avez raison, Claude. Ben, Marc-André, je suis content de vous retrouver ce matin. Ceci était... Pourquoi je dis ça? Ah oui, c'est ça, parce que je voulais prendre le temps de vous remercier. Ben oui, les auditeurs, puis vous autres, je vais le faire à la fin de l'émission, mes auditeurs qui acceptent le changement pendant l'absence de Catherine. Merci d'ailleurs de m'accompagner dans cette locomotive-là qui est que la Mauricie se lève et qui roule à fond de train. Ceci étant dit, 6h08, les actualités Cogeco Nouvelles avec vous, ouais. Claude. Parlant de rouler, Marc-André, j'espère que vous avez été prudent ce matin. Et ceux qui nous écoutent, j'espère que vous le serez si vous prenez la route ce matin, parce que la neige qui nous tombe sur la tête et autres précipitations, ça complique quelque peu les conditions routières. Mais comme on est le 4 janvier, les activités n'ont pas encore repris en masse. Je dirais c'est plus lundi où les gens vont pas mal tous retrouver le travail. Le 7, oui. Mais il reste qu'il y a des gens ce matin qui sont sur les routes, alors il faut être prudent parce que c'est enneigé à peu près sur toutes les routes de la région Mauricie Centre du Québec. Au mieux, là, c'est partiellement enneigé. Alors, vous dire que les conditions routières sont loin d'être idéales ce matin. L'ancien maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, touchera plus d'un quart de million de dollars en indemnité de départ après avoir annoncé sa démission la semaine dernière. C'est du moins ce qu'avance et dénonce l'ancien greffier de la ville, maître Gilles Poulin, dans une lettre ouverte publiée dans le Nouvelliste de ce matin. Avec ses calculs, M. Poulin en arrive à une somme de 256 000 $ qui pourrait être augmentée lorsqu'on y ajoutera le salaire touché par M. Lévesque comme représentant de la ville au sein de la régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Maître Poulin stipule que l'ancien maire pourra toucher 123 000 $ en allocation de départ et 133 000 $ comme allocation de transition. Ces montants sont calculés en fonction des années de service ou du nombre d'années à occuper la même fonction. La loi sur le traitement des élus mentionne qu'un élu qui démissionne pendant son mandat ne peut toucher ses allocations sauf s'il démissionne pour des raisons sérieuses, dont les raisons de santé. Ouais. Et quand je disais que Maître Poulin dénonce les allocations, c'est pas le fait que M. Lévesque touche des allocations qu'il dénonce, c'est le montant qui est alloué à un élu qui quitte en cours de mandat. Juste une parenthèse là-dessus. Tu sais, M. Poulin, c'est, ben, je dis, impliqué dans la campagne électorale municipale aussi. L'ancien greffier de la ville semble avoir une moyenne dent contre Yves Lévesque. Il l'a côtoyé pas loin de 15 ans, si pas 20 ans. Oui, puis M. Poulin, lors de la dernière campagne, avait appuyé l'adversaire d'Yves Lévesque, Jean-François Aubin. Ouais. Donc, faut prendre la nouvelle avec un grain de sel. C'est un fait que le maire Lévesque a le droit à des allocations de départ s'il quitte pour des raisons de santé. Ouais, puis j'ose croire que M. Poulin fait un calcul honnête aussi en disant c'est 250 000 ou à peu près. Oui, tout à fait. Je pense que ça, pour l'honnêteté, il n'y a pas de problème avec M. Poulin. Mais s'il dénonce ces montants-là, faut rappeler aussi que Maître Poulin s'était opposé à Yves Lévesque lors de la campagne électorale. Mais mon point étant, surtout, voyons, qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, dans le sens où c'est correct que tu sois dans le parti adverse, il n'y a pas de problème, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il est en tabarnouche après depuis l'été passé. J'ai l'impression qu'il y a un conflit personnel entre les deux. Oui, c'est ça. L'unité permanente anticorruption n'a pas desserré ses griffes sur la ville de Trois-Rivières. L'UPAC se penche toujours sur des contrats octroyés à des entreprises et des faveurs obtenues par des proches de l'administration de la ville dans le cadre du projet Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Écoute, on ramènerait encore, entre autres, dans les dossiers étudiés, l'affaire des billets de faveur au Centre Bell lors de matchs du Canadien qui avait tant retenu l'attention il y a quelques années. C'est pas la première fois que l'UPAC tourne son attention vers Trois-Rivières. En 2013 et 2015, l'ancienne vérificatrice générale André Cossette avait porté des dossiers à l'attention de l'unité. L'UPAC s'affairait actuellement à rencontrer des personnes ayant œuvré dans l'appareil municipal et l'enquête remonterait aussi loin qu'en 2002. Opération Les Rouges a dressé un bilan positif de sa 35e campagne. Plus de 50 000 bénévoles y ont participé. Ils ont reconduit environ 73 000 automobilistes canadiens qui avaient trop bu ou qui étaient trop fatigués pour prendre le volant, mais on ne parle toujours pas d'influence du cannabis sur les opérations d'Opération Les Rouges. Et je termine avec le hockey junior parce que hier, ça a débordé le domaine du sport. Maxime Comtois, le capitaine de l'équipe du Canada, qui a été éliminé par la Finlande en quart de finale au championnat du monde de hockey junior, on le sait, a fait l'objet de menaces et d'insultes sur les réseaux sociaux après qu'il ait raté un lancer de punition, à un point tel que le directeur des communications de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Maxime Blouin, on a parlé hier au micro de Marie-Claude Lavallée, des propos violents qui ont toutefois été aussitôt dénoncés par plusieurs internautes et plusieurs organisations. Les Voltigeurs de Drummondville ont pris la parole. Normal, Maxime Comtois, c'est un de leurs joueurs. La Ligue a pris la parole. L'agence qui représente Maxime Comtois s'est aussi portée à sa défense. Et pendant ce temps-là, Maxime Comtois passe par Anaheim parce qu'il a subi une blessure à l'épaule pendant le tournoi, alors sera évalué avant de revenir avec les Voltigeurs de Drummondville. Ouais, par les médecins de l'équipe qui sont assurément très qualifiés pour ce faire et on vous la présentera, c'est-à-dire l'entrevue de Maxime Blouin, directeur des communications de la Ligue junior majeure du Québec, aux alentours de 6h50 ce matin. Réaction intéressante de la part de la Ligue qui défend son joueur et avec raison d'ailleurs. Et tu sais, moi, je veux pas tomber dans le débat franco-anglo. Ça, je trouve que, tu sais, ça n'a pas vraiment rapport là-dedans. Ce que je trouve. Il y a une récupération politique qui est faite. Ben, c'est ça, exactement. Ce que je trouve, par contre. Il y a des insultes francophobes. Exactement. C'est ça l'affaire. Tu sais, il y a des tatas, puis il y a des tatas dans les deux langues. Est-ce que les tatas qui écœurent Maxime Comtois en disant que c'est un francophone sont nécessairement des anti-francophones? Je suis pas sûr. Il profite du moment. Bon, il se dit que le gars, qu'est-ce qu'il y a de pas bon? Là? Parce que c'est un bon joueur de hockey, il a commencé l'année à Anaheim. Sur quoi je peux l'écœurer? Le fait qu'il joue à Drummondville, puis le fait qu'il est francophone. C'est facile. Puis qu'il a raté un lancer de punition. C'est ça, c'est tout ce qu'il peut faire. T'sais. Mais il y a un article intéressant dans la section sportive du Nouvelliste ce matin. Ça nous vient du journal Le Soleil. Oui. Ça s'appelle les vérifications. On vérifie des chiffres. Mm-hmm. Les lancers de punition, on a compilé depuis que la Ligue nationale tient des séances de tir de barrage. Bon, c'est pas la même chose, un tir de barrage, un tir de punition, mais il reste que la manœuvre est la même. C'est seul contre le gardien. Là. Fait que, donc, il y a eu quelques milliers de tirs de barrage faits depuis que la mesure a été instaurée par la Ligue. Ligue. Ouais. Et on en arrive à la conclusion que deux fois sur trois, c'est le gardien de but qui fait l'arrêt. Ben oui, mais c'est le gardien fait l'arrêt ou le joueur rate son tir de pénalité, de son lancer de tir barrage. Puis quand on prend juste les lancers de punition, c'est la même affaire. Fait que tu sais, c'est un pourcentage de réussite de 33%. Puis même, j'ai l'impression que c'est encore plus difficile pour les lancers de punition parce que c'est accordé souvent à la suite, bon, justement, d'une punition, tu sais, tout ça, d'une infraction. Et t'as une chance. Ouais. Au sens où tu t'en vas contre le gardien, c'est là, si tu manques ton coup, le jeu reprend en continu. C'est ça. Tandis que les tirs d'abordage, si toi, tu manques ton coup, il y en a un autre après, puis il y en a un autre après. Si t'es le troisième, bon, il y en a peut-être pas d'autres après. Mais quand même, tu sais, t'as deux ou trois occasions. Tandis que là, c'est une fois, si tu l'as pas, c'est terminé. Voilà. Mais dans tous les cas, j'ai été assez niaiseux, malheureusement, pour aller lire des commentaires qui ont été dits à Maxime Comtois, juste pour voir la bêtise humaine. Honnêtement, parce que on en reçoit tous. Là. Moi, je vous le dis, là, fréquemment, là, je suis un bourgeois gauchiste. Là. C'est bien correct. ça fait mon bonheur parce que c'est exactement ça que je suis. Non, mais tu sais, tant qu'à niaiser. Non, mais je veux dire, c'est ce que je suis au sens où pas un bourgeois, évidemment, mais en tout cas, si j'en suis un pour vous autres, tant mieux. Mais je veux dire, dans tout ça, tu sais, j'assume ce que je suis effectivement en onde puis dans la vie, puis vous me traiterez de tout et non, ça changera pas. Sauf que, dans ce cas-ci, je suis allé voir, puis tu sais, tu regardais des... « Ah, j'espère que tu vas attraper le VIH. Hey. Va donc te suicider. Puis, tu sais, c'est comme ça. Ben, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Va te suicider. » Qui c'est qui dit ça dans la vie? Face à face, ouais, là. C'est ça. Ouais. Tu sais, je te croise dans la rue, je t'aime pas à face. Hey, va donc te suicider. Ouais. Non, ça arrive pas. Ou parce que toi, t'as raté un aspect de ton travail, mais ben, va donc te tuer. Ben ouais. Puis, dans les insultes qui ont été lancées à Maxime Comtois sur son compte Instagram, Alexandre Pratt, dans La Presse ce matin, en a recensé quelques autres que, honnêtement, j'avais pas lu non plus, puis je suis pas allé voir non plus. De toute façon, t'as pas besoin d'aller les voir parce qu'il y en a certaines qui sont relatées dans d'autres articles. Je pense la pire, t'as parlé du VIH. Il y a quelqu'un aussi qui a écrit qui souhaitait que ses proches se fassent violer. Pourquoi? Ah, mais tu sais, la violence, puis je sais qu'on vous le dit tout le temps, les réseaux sociaux, ça a du bon, puis ça a du pas bon. Savez-vous quoi? Dans le pourcentage, là, je suis pas sûr que c'est 50-50. Il y a du langage ordurier du niveau poubelle. Les gens sont méchants. Ça manque d'amour, tu sais, comme on devrait renommer l'émission que la Mauricie se love. Ce clavier, je voulais la placer. Tu sais, je regarde le clavier de mon ordinateur, puis c'est facile de se cacher derrière ça, puis avoir de la bravoure derrière un clavier quand t'es, dans certains cas, même des internautes qui écrivent des commentaires qui sont même pas capables de mettre leur visage sur leur commentaire. C'est souvent ça. Ça, c'est de la grande bravo. Ça, c'est du courage. Et le contraire aussi, quand les gens commencent à insulter les autres alors qu'ils les connaissent pas, ils se fient à leur photo de profil. Ouais, toi, on sait bien, je sais pas, t'as un tracteur, ou tu sais, je veux dire, n'importe quoi. Là. C'est quoi ces insultes personnelles-là ou sur l'apparence des gens? C'est tout ce qu'ils ont à critiquer des fois. T'sais. Exactement. Puis je pense que c'est ce qui me manque de l'époque et l'ère avant réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire que le petit peu heureux là, dans son coin derrière son ordinateur, là, il avait pas les moyens de communiquer de cette façon-là puis d'aller dire toutes sortes de cochonneries. Il était obligé de le dire probablement en pleine face. Ouais. Mais tu sais, peut-être qu'il appelait la radio dans le temps aussi, les lignes ouvertes, je sais pas. Oui. Mais ça reste que ça aussi, c'est anonyme. Oui, puis encore là, il faut du courage pour le faire. Oui, mais il faut que tu prennes ton appel, puis il faut que tu prennes ton téléphone, que tu fasses l'appel. Puis encore là, je suis pas d'accord avec toi pour là-dessus, Mathieu, les lignes ouvertes à la radio, faut que tu donnes ton nom. Ouais, mais tu peux dire n'importe quel nom. Oui, c'est mais ça, faut tu peux t'appeler Bertrand. T'as raison, c'est pas pareil. Oui, c'est ça. Bon, 819-376, justement. Oui, mais quand même, les lignes ouvertes à la radio... Oui, dans certains cas, c'est filtré, mais comme c'est en direct, tu peux pas demander nécessairement que ta voix soit changée. C'est fait que tu peux être reconnaissable quand même. Pas faux. Mais derrière un clavier... Et c'est moins personnel aussi. À la radio, tu vas pas commencer à insulter quelqu'un parce que je veux dire, personne sait c'est qui, mettons, des fois. Mais là, ça serait... Il y a une belle façon également. Ouais. Si, mettons, à la radio, il commence à t'insulter, là... Et voilà. Ouais. Bonsoir, vous êtes parti. Ouais. Tandis que sur les réseaux sociaux, puis moi, là, honnêtement, là, je me fais des ampoules à dénoncer les maillets sur les réseaux sociaux et vraiment, en veux-tu, en veux-là. Puis souvent, c'est ça le problème aussi. Les Twitter, les Facebook de ce monde réagissent pas. Ces propos n'enfreignent pas les standards de notre communauté. Ça a pris combien d'heures avant qu'Instagram enlève les commentaires sur Maxime Comtois? Ça s'est fait dans la journée d'hier. plusieurs heures après la fin du match. Parce que des commentaires, écoute, le Alexandre Pratt, dans la journée d'hier, en avait recensé au-dessus de 500. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il attendait? Mais c'est un gros bateau à virer, hein? Ouais. C'est sûr. C'est pas québécois, là. Est-ce qu'ils ont une équipe là-dessus pour, des commentaires en français? C'est un océan, là. Ouais. Mais bon, écoute. Puis 500 messages sur Instagram, c'est une goutte dans l'océan des messages. Mm-hmm. C'est-tu quoi, 500, moi? J'ai peut-être un spécial, là. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit... juste 500. Parce que j'étais convaincu que les haineux, ça en donnerait à coup de 2000, 3000, 5000, puis tu sais, tant mieux, dans le fond, d'un sens, s'il y en a eu c'est 500. C'est un trop pareil. Mais c'est ça. Il y en a moins que sur Facebook. Trop pareil. Instagram, c'est peut-être moins populaire. Ouais, il y a peut-être cette... j'oserais même pas appeler ça une chance, mais au moins, c'est cet élément-là qui fait la différence, effectivement. En tout cas, c'est bien plate, puis on va vous repasser un bout de Maxime Blouin tantôt à 6h40-45 là, pour faire le tour de tout ça. Dans les différents journaux, ce matin... Et question effectivement de nouvelles dont nous a parlé Claude dans le bulletin. Trois-Rivières dans la mire de l'UPAC qui cherche vraiment des témoins. C'est la citation qui est en une du Nouvelliste ce matin. Entrevue avec une personne qui a été rencontrée par les enquêteurs. Il y a également le maire Lévesque qui va toucher plus de 250 000 $ en indemnité parce qu'il a démissionné pour des raisons de santé. C'est l'évaluation en tout cas qu'en fait l'ancien greffier de la ville de Trois-Rivières. Il y a également Jean-Guy Talbot qui partage ses souvenirs et ses souvenirs de succès chez le Canadien de Montréal. Et effectivement, Maxime Comtois, victime de racisme, le capitaine d'équipe Canada Canada Junior, qui est sévèrement critiqué sur les réseaux sociaux, puis même j'irais plus avec invectivé, ben personnellement. Mais c'est ce qu'on retrouve en une du Nouvelliste de ce matin. Dans le Journal de Montréal, un jeu blanc pour son retour, Price en grande forme. Victoire de 2-0 du Canadien sur les puissants Canucks de Vancouver, quand même, faut le mentionner. C'est un sarcasme sur toute la ligne. Une victoire, c'est une victoire. Oui, je sais bien. Mais ça sent au cataracte. Ouais. L'important n'est pas le comment, l'important, c'est le résultat. Effectivement, et on va y venir dans deux secondes, parce que, voilà, en page 68 à 71, Carey Price en grande forme. Je veux rien enlever, c'est vrai qu'il a réussi en blanchissage. 33 arrêts, bravo Carey Price. Pas trouvé que les Canucks avaient été excessivement menaçants, par contre, mais ceci dit, il a toujours été meilleur, ou en tout cas plus rassurant que Antti Niemi dans les dernières heures. Mais le mystère plane toujours. Est-ce que c'était une irritation et est-ce que c'était véritablement ça? Ou si on lui a permis d'assister à la naissance de son deuxième enfant. Et est-ce que l'irritation venait du fait qu'on lui avait dit « Ben, ce serait le fun que tu sois d'office le soir où ta femme accouche. » Ouais, écoute. Peut-être que c'est ça, l'irritation il est loin, également. Le temps où Maurice Richard déménageait la journée d'un match. Eh oui, exactement. Non, mais c'est arrivé, c'est ça. C'est drôle parce que c'est vrai, ou c'est vrai parce que c'est drôle. Il y a également une ado de 16 ans qui a été tuée en VTT. Restée dans les sentiers battus, c'est le message que livre la mère en page 4 du Journal de Montréal ce matin. Une méchante histoire que celle-là en Abitibi dans une station de ski pour jouer, en tout cas pour s'amuser. Les adolescentes s'amusaient à se jeter en bas du télésiège et ce qui devait arriver arriva. Une adolescente qui s'est jetée en bas et qui est arrivée directement à la tête sur un rocher. Merci, bonsoir, ouais. C'est terminé. Et on disait du côté de la police que le saut que les jeunes filles ont fait, on en parlait d'ailleurs de cette nouvelle-là hier matin, puisque c'est arrivé avant hier soir. Oui, on en a parlé. Le saut était d'à peu près d'une douzaine de pieds. Pas très haut, quand même, mais sauf que tu tombes sur une roche. Voilà. Et là, j'écoutais, puis tu sais, c'est extrêmement tragique, cette histoire-là, là, puis je pense à la famille là-dedans, tu sais. Tu dis, hey, mon kid est mort en se jetant sur une roche, tu sais. C'est bête en tabarnouche. Mais quand tu penses à ça, j'entendais le centre de ski, disant, on va déplacer la roche. C'est pas ça, ouais, c'est pas ça le problème, OK, je pense. Parfait, probablement que, tu sais, mais parce que j'entendais aussi Marie-Claude Lavallée, entre autres, demander hier après-midi aux gens de la Sûreté du Québec, c'est des choses qui arrivent souvent, puis on nous disait, ben ouais, c'est une habitude que les jeunes ont pris, mais ben, là, le problème, c'est la roche, oui, tu vas probablement éviter une gang, là. Oui, mais à quel point ils ont besoin de se donner de l'adrénaline de plus que de descendre la pente de ski? Mmh. Honnêtement, là, des fois, je comprends plus. Ça, puis ceux qui faisaient du car surfing, là, qui embarquaient sa valise du char pendant qu'il était en marche. Du qui, couch surfing, ouais. Non, mais non, couch. Ah ouais, du car surfing. Ouais, ouais. Couch, c'est un peu plus relax. Oui, puis d'ailleurs, il y a. C'est une jeune fille, je pense, de Drummondville qui était décédée de blessure il y a de cela quelques années. C'est possible, t'as une meilleure mémoire que moi. Ouais, et pour compléter la tournée des journaux, gagnante de La Voix, Yama Laurent risque l'expulsion. Elle, qui est d'origine haïtienne, va invoquer des raisons de sécurité, là, si je vous résume ça bien rapidement, pour pouvoir rester au Canada. Dans Le Devoir, ce matin, premier projet d'exploitation pétrolière en Gaspésie. Au moins 30 puits devraient être forés à l'ouest de Gaspé. Diminuer la consommation de viande pourrait sauver des vies. L'analyse scientifique souligne l'impact climatique majeur de la production de bœuf. Et aussi, dans Le Devoir, Mon Royaume pour un autre livre de recettes. C'est une chronique de Catherine Lalonde ce matin qui est assez intéressante parce qu'on s'intéresse au fait qu'il y a multiplication des livres de recettes. Ben oui, c'est la grosse, grosse mode depuis toujours. Et des émissions de télé aussi sur les recettes. Bon, Ricardo a peut-être été l'un des premiers, mais depuis ce temps-là, ça a poussé un peu partout. Et effectivement, comment départager le bon du mauvais, entre autres, et c'est assez intéressant. Puis effectivement, je suis le premier aussi à dire, ben oui, il y a que de ça, des livres. Tu sais, quand tu essaies de trouver un roman à la bibliothèque ou à la librairie, ça devient quasiment compliqué. Là. Ah, c'est un livre de recettes juste sur les puddings. C'est des livres super spécifiques. Là, exactement. Cuisiner avec tel ingrédient. Ingrédients seulement, la Worcestershire. La cuisine au micro-ondes, ça, c'est bon, ça. Je suis sûr que ça existe. Ça existe, je te jure, je l'ai vu. Tu l'as vu, bon, ouais. Tu vois. Je pensais que tu faisais de l'ironie, mais je suis convaincu que jamais ça existe. Jamais, ça et l'humour noir, je fais jamais ça. Non, sûrement. Et aussi, dans Le Devoir, Nancy Pelosi reprend la tête de la Chambre des représentants. Et ça, c'est sacrément intéressant parce que, vous savez, The America est divisée présentement. Donald Trump avec le shutdown et tout ça, l'espèce de paralysie, entre autres, des services américains. Et là, la Chambre des représentants... Si vous voulez, disons, comment on pourrait vous définir ça? Une espèce d'assemblée nationale, disons-le. Ouais, c'est une des trois branches du gouvernement américain. C'est ça, c'est toujours un peu compliqué d'expliquer ça puis de comparer ça parce qu'on n'a pas l'équivalent au Québec. Là. Mais cette chambre-là, en tout cas, qui a d'importantes décisions à prendre et un important rôle à jouer, a élu quelqu'un qui est très anti-Trump et qui entend garder le pied par terre. Et qui était là avant, donc c'est un retour pour elle. Exactement. Je me rappelle pas si elle avait décidé de quitter ou si elle avait... Remplacée par les Républicains à ce moment-là. Ah oui, c'est ça, c'est vrai, effectivement, merci. Et dans le balancier continue. Exact, non, mais c'est vrai, le balancier revient. Et là, tu sais, c'est comme si tu voyais, je sais pas moi, le Canadien qui s'en va, puis les Nordiques qui reviennent, tu comprends? Sauf que le problème, c'est qu'il reste l'autre côté, qu'il reste républicain. C'est quoi, c'est le Sénat, l'autre côté? Oui, exactement. Mais dans tous les cas, ça donne l'impression que ça se réglera pas nécessairement rapidement. Dans la presse plus ce matin, les produits laitiers largement écartés du guide alimentaire. C'est ce qu'on retrouve dans la plus récente édition du guide alimentaire canadien, qui va écarter les produits laitiers pour toutes sortes de raisons. C'est une primeur de la presse plus. Il y a également question de pollution. Quand le CO2 nuit au fond marin, le dioxyde de carbone émis par les activités industrielles, évidemment, vient nuire à la faune aquatique. Et le Canadien qui l'emporte 2-0 sur les Canucks de Vancouver. Un petit coup d'œil du côté de la météo, tout juste avant d'aller à la pause. C'est de la faible neige intermittente qui devrait cesser quelque part en avant-midi, 2 à 4 cm prévu d'ici là, avec un maximum de 1 degré pour aujourd'hui. Ce soir, la nuit prochaine, des nuages majoritairement, minimum à moins 4. Demain, samedi, on vous promettait du soleil, Dame Nature a changé d'idée. C'est des nuages majoritairement, maximum de 1, c'est quand même relativement confortable. Dimanche, alternance soleil-nuage avec un maximum à moins 6 et à plus long terme pour lundi. C'est là qu'est la véritable journée de reprise du soleil avec un maximum à moins 11. C'est moins 6 degrés centre-ville Trois-Rivières, moins 10 ce matin la Rive-Sud et moins 5 du côté de Shawinigan. 6h28, au retour de la pause, Mathieu en liberté.